faisait beau, soleil brillait sur le pré de la montagne. Le lapin et l'hérisson faisaient un câlin. Coricot. Alors le coquelicot se mit à dos. Avec le vent et la pluie pour les protéger. Pour les protéger. Entier. Parce qu'il y avait une tempête tropicale. Il y avait beaucoup de riz. Oh oui, beaucoup de Rital qui courait dans le pré tout nu. Avec juste une petite feuille. Mais pas une petite feuille. Sur le pubis. Mais la petite fourmi les attrapait. Elle se mit à toucher. Oui, tousser. Tout ça pour dire que les amis étaient protégés. Entre l'héritage et contre la tempête qui faisait rage au vent quatre planètes. Le trichon et le lapin se recueillirent dans la forêt. Ils pilotèrent un gros bateau. C'est pour ça, petit poulet. Le petit poulet. Tout ça pour vous dire que c'est l'histoire du poulet qui repart tout doucement et qui va vous expliquer d'où vient ce paquebot. Bah oui, parce qu'en fait, on ne sait toujours pas d'où il vient. Et ben voilà, maintenant vous le savez. Qu'en prêt, avec des coquelicots et des ritales et des lapins, des hérissons et des planètes. Tu sais que tu peux ouvrir un peu plus la bouche. T'inquiète pas, y'a pas de mouches. Les petites louches, j'aime bien leurs petites mouches. Ah oui, les petites mouches. Je sais pas pourquoi je n'ai pas parlé avant. Quand elles se posent lentement sur votre épaule, que vous met petites mains la joue. Penchez-vous, camarade, de ces petits mots. Pour rien. Bon, c'était un peu de l'improvisation. J'ai pas suivi l'histoire. Mais je sais pas, c'est n'importe quoi l'histoire. Y'a pas l'histoire. Faut tenter 5 minutes.